Ose franchir le bail, allons courir dans les bois. Prends tes bottes et ton impère, on va se mouiller les jambières. Je sais, il pleut averse, mais on va pas en rester là. Si le monde est à la renverse, autant qu'on parte, toi et moi. Laisse-nous d'ici ton chagrin, regardons la pluie tomber. Respire l'air frais du matin, les arbres vont nous pleurer. Même si l'on garde le désir, il nous faudra quand même partir. Laisser ici bas le passé, que te dire si on désolé. Malgré la pluie, je pars, tant pis. Malgré la pluie, je fuis l'ennui. Malgré la pluie, je pars, tant pis. Malgré la pluie, je fuis l'ennui. Tu sais qu'ici le ciel est gris comme tous les chats pendant la nuit. Mais parfois derrière les nuages, il y a le soleil de ton visage. Il illumine mes journées que je passe souvent à rien glander. Alors quand je serai parti, je voudrais que tu sortes sous la pluie et que tu penses un peu à moi qui marche seul mais pas au pas. Car même si je dois en crever, j'aurais choisi la liberté. Vivre dépend de mon prochain, je compte sur lui pour mes besoins. Et si la vie me joue des tours, je me souviendrai de son amour. Malgré la pluie, je pars, tant pis. Malgré la pluie. Avancer ta cité sur un chemin anarchique, tout un rêve mis en pratique. Constitutionnellement vôtre, je pars chercher un autre apôtre sur les chemins de moi-même, libéré de cette haine qui m'avait trop longtemps pesé sur mon cœur abandonné. Je ne suivrai pas les panneaux, j'irai où vont mes idéaux. Malgré la pluie, je pars, tant pis. Malgré la pluie, je fuis l'ennui. Malgré la pluie. De venir, ça me fera moins mal de partir. De toute façon c'est décidé, je ne jouerai pas ma vie au dé. Peu importe si tu me suis, je vais me fondre dans la nuit. Les nuages pourront être noirs quand neige aperçu plus ce soir. Moi je n'ai qu'une envie, c'est de partir, ne plus voir les gens souffrir. Mais leur offrir du bonheur, du raga au fond du cœur. Un immense soleil de gaieté sur un monde inexploré. Malgré la pluie, je pars, tant pis. Malgré la pluie.